Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. نراجع ما تقدم. كانه الدرس بعض الإخوة استشكل بعض الأمور. يعني il y a des choses, certaines choses des frères ils ont pas compris. Ça. On vous a dit c'est du nahou. C'est du nahou, enfin, celui qui n'a pas fait le nahou, c'est normal. C'est tout à fait normal. فالآن السؤال ماذا استفدت يا إسماعيل من قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم تستفدت كوا بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت هذا الدليل الأول أن أولا لفت دو كومنسي بار بسم الله الرحمن الرحيم هي دليل من السنة أي البروفيت دي كي il a envoyé des lettres au roi et l'akhiri, commencez par Bismillah. Ahsant. Ad-dalil al-thani, indaman, Adam. Ahsant. An Allah subhanahu wa ta'ala bada'a kitabah bil basmala. Allah, il a commencé le Coran avec Bismillah. Enfin, ça devient pour nous une sunnah de commencer par Bismillah. Huna, il y a un sual qui se pose, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait de commencer par Bismillah, c'est wajib, c'est obligatoire? عندك أبو بكر c'est obligatoire si tu commences pas par Bismillah dès que t'écris un livre t'es athée la question c'est pas Al-Tasla al-Baraka la question c'est est-ce que c'est obligatoire oui ou non t'es revenu sur ton cas ouais عندك أبو شيماء non je disais qu'on demande l'aide d'Allah on mange quand on est dans la mosquée pour écrire un livre commencer par Bismillah c'est pas obligatoire Et Allah, tu peux la demander, c'est obligatoire. Indak. Sunnah. Sunnah mu'akkada là-bas. Il a ta'af le hadith. Al-mas'ala via tafsir. Ça dépend. Certains cas, c'est pas obligatoire. Comme le fait de commencer un livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pas obligatoire. Tu peux commencer par Alhamdulillah. Il est akhir. Lakin, al-afdal, c'est de commencer par Bismillah. Dans certains cas, comme le fait d'écrire, maintenant, tu veux écrire un livre, c'est pas obligatoire de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lakin, c'est une sunnah. Yani, c'est mieux. Et t'as du ajr. Si tu commences par Bismillah, t'es récompensé. Si tu le fais pas, yani, y a pas de mal. Lakin, dans certains cas, c'est obligatoire. Mithl al-akl, le fait de dire bismillah avant de manger, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un amr. C'est un ordre. Il a ordonné de dire bismillah. Sammillah. Et il lui a dit dis bismillah avant de manger. Ça montre que c'est obligatoire. Khassatan, أن الحديث فيه مخالفة للشيطان مخالفة للشيطان إلى آخره حديث ابن عباس المعروف أي مخالفة الشيطان سي obligatoire أي de manger la droite de pas manger par la gauche avec la gauche le fait de dire bismillah le fait de manger devant toi إلى آخره فعلى كل حال البسملة ça peut être obligatoire et ça peut être une sunna أي c'est pas obligatoire c'est recommandé Qui c'est qui nous explique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ça veut dire quoi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Tu comprends quoi Al-An, Al-Mu'allif, l'auteur, alayhi rahmatullah, il a commencé le kitab par Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça c'est quoi le ma'na Ça veut dire quoi Tu comprends quoi Ça c'est ar-Rahman ar-Rahim. Nous, pour l'instant, donne-nous ce que tu as compris globalement de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, je vais manger. Je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire quoi Que le Voilà, ça t'es en train d'expliquer Rahman, hein, et Rahim, non. Dès que tu veux dire Bismillah Rahman Rahim, pourquoi tu dis Bismillah Rahman Rahim? C'est quoi? On le sait ça. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est pas vrai ça. Avant de faire l'A'mal, tu dis Bismillah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Bismillah? Ahsant. Alors, je viens de répondre. T'as donné un bout de réponse. Qu'Allah y mette la baraka. عندك شو اللي تفعله الله احسن فخطه الشيطان احسن كلمه استعانه ونجاة بسم الله الرحمن الرحيم اي tu demandes l'aide à Allah ça veut dire ça بسم الله لان le ba bis dans la langue arabe le ba c'est كلمه استعانه ou حرف يفيد الاستعانه اي dès que tu dis بسم الله الرحمن الرحيم اي tu vas demander de l'aide à Allah dans ce que tu veux faire لا حول ولا قوه الا بالله. Tu as besoin d'aide. Tu veux écrire un livre, au début tu écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et tu fais ça, lillah wahda, comme on l'avait expliqué, et tu demandes l'aide à Allah. Il y en a peut-être que tu ne vas pas y arriver, peut-être que tu... Il est akhri. L'insan, il revient à Allah. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Tout ça, on l'a vu. Tout ça, on l'a vu. Antum, ce qu'on retient du dars qui est passé, لأن مسائل النحو أشكلت على بعض إخوة إذا طاف النحو زي العمر أنتم سكفوا غتني سلسا بسم الله الرحمن الرحيم أنك تكمس أدوم وضد لدى الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكرنا الرحمن والرحيم الرحمن والرحيم et on a donné une قاعدة une règle في اللغة par rapport à الرحمن الرحيم ما هي أن بعض الأسماء بسم الله إذا اجتمع المعنى أحسنت وإذا تفرق أحسنت المعنى واحدة أحسنت هذه ça arrive beaucoup en langue arabe. Deux mots s'ils se rassemblent dans un texte, tu vas voir celui-là il va avoir un sens, celui-là il va avoir un autre. On avait donné l'exemple de l'islam et l'imam. Si tu as dans un même texte, maintenant prends Hadith Jibril, on avait donné l'exemple. Hadith Jibril, c'est un texte. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Dans ce texte, il y a l'islam et l'imam. Enfin, l'islam, il va avoir un sens. On avait dit les œuvres apparentes. Le prophète, il a expliqué la prière, la salat, al-hajj, al-zaka, ila akhirah. Al-iman, il va avoir un sens. Al-iman, aïe, la foi dans le cœur, les anges, ila akhirah. Il se sépare dans un texte, maintenant t'as que l'islam. Ça englobe l'imam. Ça englobe l'autre. Si dans notre texte t'as que l'imam, ça englobe l'islam. Ça, ça arrive souvent dans la langue arabe. C'est ce qu'on a expliqué avec Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-An, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ils sont les deux dans le texte. Comme dans le Coran, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dans le Sunnah. Les deux sont dans le même texte. Ar-Rahman, il va avoir un sens, Ar-Rahim, il va avoir un sens. Si t'as qu'un des deux, مثل سورة الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن il va englober le rahim. Il va englober le sens de rahim. Ça, on l'a vu. Ah, nous, c'est quoi le sens de rahman et c'est quoi le sens de rahim? عندما فؤاد أحسنت الرحمن على وزن فعلان الأوزان ça c'est في علم الصرف. T'as des mots, ils ont des awzan. Maintenant, Rahman, Fa'lan, c'est le même wazn. Et ce wazn, en langue arabe, tastafin min al-mubalagha, ou al-kathra. Fa'l'an al-Rahman, ça montre que la Rahman, il y a beaucoup de Rahman. Il y a beaucoup de Rahman. Ou al-Rahim, là, on n'a pas dit ça. On a dit quoi, al-Rahim? عندك أحسنت على الرحمة الواصلة أحسنت وقد يطلق لفظ الرحيم على الله وعلى غيره الرحيم سالفعل سالفعل سالاكسيون الآن الله عز وجل بالإجماع أنه متصف بصفة الرحمة الله إلى صفة الرحمة شتو الرحمة سنتخبي الله سبحانه وتعالى إلى ستخبي الرحمن ثم avec ce صفة Allah, il y a une action. Et Allah, il va pardonner à Foulan, il va faire miséricorde à Foulan, et l'akhir. Ça, c'est le Rahim. Et il y a un acte. Tu peux avoir une sifa, et il y a un acte. Falihada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, on a des sifa dhatiya. Et Ar-Rahim, c'est pas fi'liya. C'est pas fi'liya. Fahada, ahsan ma qil fi l'farq baynahuma. Ahsan ma qil fi l'farq baynahuma. Naqra alaykum kalam nuqayyim. في هذا قال الإمام القيم عليه رحمة الله أما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين الذي ذكرهما أي يعني كلام قبل هذا قال وهو أن الرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم الرحمن سطلوت كالله لست صفة إلى نتخبي لا ميزيغيكو تستفيد من هذا الرحيم سطلوت كالله عز وجل ست صفة Il va pardonner avec. Il va faire miséricorde à Fulan et à Fulan. C'est ça la différence entre Rahman et Rahim. Ahsan ma qil hada. Ahsan ma qil. Farrahman ziba dhatiya wa rahim ziba fi'liya. Qal wa rahim dallun ala ta'alluqiha bil marhum. فكان الأول للوصف والثاني للفعل الرحمن سان وصف سان اتخيبو الرحيم سان اكسيون أي إيبا باردوني إيبا فير ميزيريكور قال فالأول دل على صفة أن الرحمة صفة والثاني دل أنه يرحم خلقه برحمته قال وإذا أردت أن تفهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما كان بالمؤمنين رحيما هل تمتقصت آية الآن طبق الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما عندك فؤاد لا المتقص الآية المتق يرحم المؤمنين سبق أنها خاص بالمؤمنين لأن في سورة البقرة بالناس تستفيد ماذا؟ فقط أسكن هذه تركوا خاص تتخاف سيأتي هذا تستفيد ماذا؟ لا فقط الرحيم فقط النبي الآن يفعل هو وكان بالمؤمنين رحيما سبقط أسكن هذه أحسنت أن الله يرحم أن الله يرحم تستفيد الآية وكان بالمؤمنين رحيما أي أن ينكسوا أن الله عز وجل يفعل ميزيريكور أكويان الآن ابن القيم الدي ولم يدي قط وكان بالمؤمنين رحمانا الآن لا لا ديفيرونس اسكو تا جونتوندو اون آية او اون سنة انه يقول كان بالمؤمنين رحمانا لا اسكو رحمان سي با ان فعل الفعل سي الرحيم فسي الله عز وجل يبغضن مثلا مخلوق يدي رحيم يجي برحمن يجي برحمن هذا مفهوم لعله مفهوم نعم يرحمهم يا فعل الرحمن سر إس الرحمون يرحمهم الرحمن لا يا الفعل تقلب زاد قدر قال فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم هذه الخلاصة أن الرحمن سيسلوي كلامي زغيكو الرحيم سيسلوي كلا الدن سمفهوم هذا ما يتعلق بالرحمن والرحيم هذا أحسن ما قيل بعض العلماء يقولون أن الرحمن يعني عام والرحيم خاص وهذا يشكل عليه آية البقرة أي في لفظ الناس إلى من رحيم إلى من الناس والناس يشمل الجميع فأفضل ما قيل والقول الذي سلم من الانتقادات قول ابن القيم أي أن الرحمن هذا والرحيم هذا والرحيم هذا بدائع الفوائد أحسنت لما أرجع كتاب ابن القيم بدائع الفوائد قال الإمام Je ne suis pas compris cette question à la fin du dars. Ou, Inch'Allah, vous voyez avec le frère avec qui vous faites le muraja'a. Ou, vous demandez à la fin du dars. Qala al-mu'allif alayhi rahmatullah, i'lam rahimakallah. Qala al-shikhul Utaymin, al-ilmu huwa idraku al-shay'a ala ma huwa alayhi idrakan jazima. حاول المؤلف عليه رحمة الله يعلم أولا فيه تنبيه يعني تنبيه أي كأن المؤلف يبغى أتغيط ناتنسو يتدي يعلم أولا إلا كمصي بسم الله الرحمن الرحيم أي إدمان دلد على الله عز وجل ثم يدي يعلم أي le كلام qui va venir il va être très important لهذا إلا دي يعلم I'lam, il attire ton attention. I'lam, ça vient du ilm, ça vient du savoir. Ça va, sache. Ils traduisent hakala. I'lam, ay, al-an, al-kalam, on a dit qu'il va venir, il va être mohim jiddan. Il va être mohim jiddan. Fashir l'islam, il attire ton attention. Il dit i'lam, et tout le monde, il va dire des choses, l'an. Il va dire des choses, il va dire kada, kada, kada. Fa'anta, tu comprends ça, que le kalam qui va venir, il est mohim jiddan. وهذا كثير في القرآن والسنة من يذكر من أدلة الكتاب والسنة أنه فيه التنبيه بإعلم كثير فاعلم أنه أحسن فاعلم أنه لا إله إلا الله الله عز وجل تعالى فاعلم أي الكلام إليه مهم كلام إليه مهم كذلك من السنة تقدم معنا في الأربعين تذكر حديث ابن عباس ما تذكرون في القدر أحسنت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اعلم اعلم هذا كثير في الكتاب والسنة شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى أمبلوي اسمه اعلم اعلم أي فتمنطخيك الكلام إبايت مهم إبايت مهم ثم الشيخ العثيمين نزكسبيك العلم قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما قال ومراتب الإدراك ست الآن العلم لا ديفينيسيون سي هذه العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه أي سي تو كونسوا لا شوز كوم الي سي سا العلم شتدي مثلا سي كوا سا Je me dis, c'est un kitab, c'est un livre. Khalas, c'est du ilm. Aïe, tu as décrit la chose comme elle. Si je te dis, c'est quoi ça? Tu me dis, c'est une montre? Là. Là. Al-an, c'est pas une montre, c'est un livre. C'est un livre. Al-ilm, c'est que tu conçois la chose comme elle. Tu dis, ça, c'est halal, c'est du ilm. C'est du ilm. On te dit, mets le dalil à la kada, t'emmènes le dalil à sa place, c'est du ilm. C'est du ilm. Il y en a, la chose, tu l'as emmenée comme elle. Comme elle. Al-an, هذا العلم, il a des maratib, des niveaux. Il a six niveaux. Tu peux savoir une chose, biyaqin, sans aucun doute. Ça va être l'ilm. Tu peux avoir un doute. Tu peux pas connaître la chose. Tu peux inverser. Tu crois que c'est ça alors que c'est ça. Il a akhri. On va les voir une par une. Qal wa maratib al-idrak sit. Le fait de concevoir une chose, il y a six niveaux. Six niveaux. Al-oula al-ilm. Wa huwa idrak al-shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Hada on l'a expliqué. Hada on l'a expliqué. Maintenant, de loin, tu vois une personne, c'est un homme. On te demande, c'est qui? Tu dis, c'est un homme. Ça, c'est du ilm. T'as su ce que c'était, Foula. Si c'est un homme et tu dis, c'est une femme, là, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ça, c'est du jahal. Ça, c'est du jahal. Ça, l'ilm, c'est que tu conçois la chose comme elle est. Comme elle est. Ça, c'est halal, c'est halal. Maintenant, al-khamr, c'est haram. بأدلة الكتاب والسنة. Si on donne à une personne, est-ce que l'ilm, est-ce que l'khamr, c'est halal ou c'est haram? Si nous disons haram, خلاص, il est à l'ilm. لأن il a donné le hukm comme il est. Comme il est. Si nous disons halal, là, c'est un jahil. C'est un jahil. مفهوم هذا العلم قال الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية علما أن هذه المسائل التي يذكرها الآن الإمام العثيمين عليه رحمة الله من مسائل الأصول هذا التفصيل vous allez voir celui qui a pas fait أصول فقه هناك لكن شيخ العثيمين كما تعلمون إمام في الأصول وفي النحو فلهذا الذي يقرأ شروحات الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يتوسع في مسائل النحو لأن إمام وكان يعتني كثير بالنحو كما تعلمون شرح الألفية وشرح الأجرمية فهو لمسائل النحو يتكلم مثل النحوي tu peux prendre les autres شروح de الأصول الثلاث tu verras بسم الله الرحمن الرحيم ils ont pas fait ce tafsil peut-être avec ce détail لأنه هو il parle comme si c'était un نحوي il t'emmenait les مسائل النحو الآن on est rentré في العلم il t'a pris comme du أصول لأنه c'est un أصولي تعلمون أن إلى كتاب نافع جدا في الأصول Et c'est un mardi. Et c'est awal kitab, talib al-ilm, il commence l'usul. Ma hu? Ahsant al-usul min ilm al-usul. Les chiens al-Uthaymin. C'est un asl fil bab. C'est un asl fil bab. Fa, à la kulli hal, an, il entend t'expliquer. Asbab min hayf. يعني الأصول من حيث أصول الفقه حيث أصول الفقه أما نحن نحن نتوقع كابتولي سلسا العلم وبعدين التعريف وانتهي أما الآن هو التفصيل لأنه ذكره قال الثاني الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية مثلا اشتدمض المسألة اشتدي يا إسماعيل سكوى الحكم دوسا Je te donne un sujet, je te dis c'est quoi son hukm. Est-ce que c'est halal, c'est haram, wajib? Tu me dis je sais pas. Ça c'est du jahl basi. Hey, t'as pas de connaissance dans ça. Ça s'appelle jahl basi. Retenez. Hey, c'est un petit jahl. Il va venir le grand jahl. Al-murakkab. Al-murakkab. Maintenant on a deux choses. On a l'ilm, c'est que tu saches. On a le jahl, que tu connais pas. C'est ça, nous, ça yakfi, c'est deux. Al-ilm ou al-jahl. Lakin al-usuliyoun, ils mettent des autres choses. Amma. المعروف عند الناس وعند علماء الآخر وغير الأصوليين العلم والجهل الشك إما تسي لا شوز إما تلا كوني با إما تلا دوت تخوى شوز أما الأصوليون إذن فان تفصيل إذن فان تفصيل إذن ميسي شوز قال الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه خالف ما هو عليه كيسيك إكسبيك هذا أصحاب الأصول عبد الملك وياسين إذن فجي أصول الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه تفضل ما يدل أنه يعرف الصواب الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه سان جاهل لكن سيكوا لا جفرنسة اكسو دابون هكا مثال Ça ne veut pas dire qui c'est. Il peut se tromper. Lakin c'est un jahl murakkab limada. Lianahu, il ne sait pas et il croit qu'il sait. Ahsant. C'est ça le jahl murakkab. Al jahl murakkab, il a rajouté une chose sur le jahl basit. Al jahl basit, celui qu'on avait avant, il ne sait pas la chose et il s'est arrêté là, il ne sait pas. Tu lui dis c'est quoi ça? Il dit je ne sais pas. Jahl basit. Al jahl murakkab, tu lui dis c'est quoi ça? Il dit une chose et il se trompe. Et crois qu'il sait. Maintenant, tu lui dis, est-ce que ça c'est une sunna? Il dit, ouais, c'est une sunna. Alors qu'en fait, c'est une bid'a. Ça, c'est jahl murakkab. Ça, c'est jahl murakkab. Ça sera déjà passé, il aurait dit, je ne sais pas. Amma huwa, il répond et il se trompe. Il donne l'inverse de la réponse. Hada, ça s'appelle un jahl murakkab. Murakkab. Murakkab, ayy min amrayn. Annahu la ya'lam. Wa la yadri annahu la ya'lam. Il ne sait pas. Il ne sait pas la réponse et il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il croit. Il croit qu'il connaît. Il dit kada. Il dit kada. Wa hada, il est a'zam. Wa akhtar min al-awwal. Al-awwal, il ne sait pas. Amma hada, il croit qu'il sait. Et il ne sait pas. Et il ne sait pas. Fa, celui-là, il s'appelle al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-murakkab. Al-rabi'a, al-wahm. Wa huwa idraku al-shay ma ihtimal diddun rajih. On lit les trois et on les explique. Il y en a pour comprendre un, il faut comprendre les trois derniers. Al-wahm huwa idraku al-shay ma ihtimal diddun rajih. Al-khamisa al-shak wa huwa idraku al-shay ma ihtimal musawin. Aïe, t'as un doute, 50-50, tu sais pas. Je te dis maintenant, est-ce que ça c'est une sunna, t'as un doute. 50-50, 50% tu penses que c'est une sunna, 50% tu penses que c'est pas une sunna, t'as un doute. Al-wahm, c'est muqabil al-dhan. Al-dhan, قال السادس, al-dhan huwa idraku al-shay ma ihtimal diddun marjouh. Diddun marjouh. Al-an, fa ashima bisur'a, ça t'affaire. Al-an, ça, c'est 100%. Hein. Ça, c'est 100%. Retenez et regardez. 100%. Al-an, huna, ça va s'appeler comment, hein, là? Là, on n'est plus dans le jahl. On est imma dans shak, imma dans dhan, imma dans wahm. Là, t'es à 5 ans. T'as une mas'ala, tu sais pas, t'es au milieu. C'est ash-shak, ahsan, t'as le doute, tu sais pas. T'es à 5 ans. T'es à 5 ans. Al-an, zéro, ça commence là. Et 100%, c'est là. Al-an, on enlève celui-là. Le chèque, c'est bon, il est là. Hein. On le laisse là. Al-an, t'as 100%, Hona. Hona, on va dire que t'as 80%. 80%. Tout ça, ça va s'appeler Adhan. je te donne une mas'ala, Abu Bakr, maintenant je te dis, ma hukm kada. À 80%, t'es pas sûr à 100%, à 80%, tu penses que c'est ça. On va t'appeler, on va dire, t'as du dhan. T'as du dhan. T'as une autre mas'ala, les 20% qui restent, maintenant, je te dis, c'est quoi, hukm kada? T'es pas du tout sûr. Tu te dis 20% c'est kada. Ça va s'appeler al-wahm, celui-là. Huna c'est le wahm, huna c'est le dhan, huna c'est le shak. Et si tu sais tout, c'est l'ilm. Si tu sais rien, c'est le jahl al-basir. Si tu sais rien et tu crois savoir et tu te trompes, c'est le jahl al-murakkab. C'est le jahl al-murakkab. Mafhoum? Hada c'est du usul. C'est du usul. Amma inda ulama, matalan inda al-fuqaha. Al-fuqaha, matalan, ils ont trois choses. Ils ont l'ilm. Ils ont le jahl. Et tu connais la chose. Tu la connais pas, ou t'as un doute. Que ça soit 20%, 30%, 50%, 80%, chez eux c'est pareil, choc, t'as un doute. Ils vont pas tenter le dhan wahm. Dhan wahm. Fa hada, inshallah, ça y a-t-il ma'akoum fil usul. Les frères, l'an, ils attendent le tawhid. Hier c'était nahou, aujourd'hui c'est usul. Inshallah, on passe et notre rôle vil kitab. Hadi, c'est muqaddimat, la aboudmine, dakara ajar l'utémine, fa nashraha. Nashraha. L'an, qui c'est qui nous donne les 6 dans l'ordre? انتبهوا الآن الآن si vous avez compris les 6 je les répète العلم الجهل البسيط الجهل المركب الوهم الشك الظن qui c'est qui nous fait dans l'ordre du plus fort يعني في العلم يعني du علم à celui qui sait le moins qui c'est qui nous fait l'ordre qui nous fait l'ordre Cheikh Al-Uthaymeen les a pas mis dans l'ordre qui c'est qui fait l'ordre. L'ordre, tu vas commencer le plus fort. Le plus fort, c'est quoi? C'est l'ilm. Et tu vas jusqu'au plus faible. Cheikh Al-Uthaymeen les a pas mis dans l'ordre. Toi, tu dois les remettre dans l'ordre. Al-An, si tu as compris, c'est facile. Très bien, Boujaïma. Al-Awwal, Al-Ilm, Ahsan. Le deuxième, Al-Wahm. T'as inversé avec l'autre, c'est l'autre. Al-Wahm, on a dit, c'est dès que tu as 80, c'est les 20%. Enfin, il est plus faible que 80. Ouais. Enfin, les 80, c'est. Al-Dhan. Ahsan, va le premier Al-Ilm, le deuxième Al-Dhan, le troisième là, avant. Indak là, Al-Shak. Le troisième Al-Shak. Shak, t'es sûr que t'as du Ilm ou tu penses à 50. À 50. Après Shak, ça va être Al-Wahm. Ahsan, après Al-Wahm, ça va être là, Al-Jahl al-Basit. Et le dernier, Al-Jahl al-Murakkab. Al-An, t'as l'ordre, yani, du plus fort, Aïf al-Ilm, jusqu'à Al-Jahl al-Murakkab. Al-Jahl al-Murakkab, c'est le pire. Il ne sait pas, il croit qu'il sait. Et Inch'Allah, vous verrez ça avec l'Usul. Entre l'Ilm et l'Ishak, c'est Al-Dhan. Al-An, on donne un mital pour tabak tout ça. Et après, on passe. Maintenant, si on demande à quelqu'un, maintenant, est-ce que salat elle est wajiba? Est-ce que salat elle est wajiba? Al-An, si il répond elle est wajiba, c'est du quoi? Ilm. Si il dit elle est haram, si il dit salat elle est haram, c'est Jal Murakkab. Jal Murakkab. S'il ne sait pas. Hein? S'il ne sait pas, il dit l'alim, ma adri. S'il a un doute, ça dépend le doute, c'est lequel? Ça dépend. Eux, ils traduisent tout par doute. Amma shak wal wahm wal dhan. S'il est sûr, ou s'il a un doute, il y a 20%, il pense qu'elle est wajiba. 20%, il a un shak kabir. Il va avoir quoi? Al-Wahm. S'il a 80% sûr, ça va être Al-Dhan. Ahsantum. Voilà, c'est facile, al-ilm yahtaj sabr wa fahm. Faqat. Et si tu n'as pas compris, c'est pas une catastrophe, la jama'a. L'essentiel, c'est la haqiqa, c'est l'ijtihad. Wallah, si tu ijtahad et tu lâches pas, tu vas comprendre. Tu n'as pas compris aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Tu n'as pas compris demain, après demain. L'essentiel, c'est t'essayes et tu continues. Nas'Allah lil jami' at-tawfiq. Tafadhal. نعم le dhan c'est maintenant t'as un chèque toi t'es pas à 50 t'as un chèque il est à 80 le plus gros ça va être le dhan et la petite partie ça va être al-wahm et le milieu c'est le chèque قال والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. الآن يغضي نوت مسألة شيخ العثيمين اسم من مسألة الأصول كذلك أن العلم is division 2 ضروري ونظري. Et il va les expliquer les deux. Pas besoin de traduire, ça y est, le معنى بالعربية, ça va être واضح. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر أو يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا. Ça c'est العلم. العلم الآن le fait de savoir une chose, ça se divise en deux. وعلم أن هذا التقسيم اللي تبع عند السلف. السلف عندهم العلم c'est العلم. لكن العلماء خاصة علماء الأصول علماء الكلام يسمونه avec هذا التقسيم إلا بس يخالف فشرة هذا التقسيم يخالف فشرة. Et ils ont dit ça se divise en deux. Un ilm il va être daruri. Et tout le monde le connaît. T'as pas besoin de chercher, t'as pas besoin de dalil, t'as pas besoin. مثلا شيخ عثيمين il a donné l'exemple أن النار حارة. مثلا tu demandes à n'importe qui عمي إلى العالم tu lui demandes est-ce que النار est-ce que le feu ça brûle, il va te dire oui. T'as pas besoin d'ilm, t'as pas besoin de chercher. C'est un ilm que tout le monde a. Que tout le monde a. Le feu ça brûle. L'eau ça mouille. L'eau ça mouille. Il est akhir. Le stylo hada il est bleu. T'as pas besoin de faire un baht. Il est bleu, tout le monde sait qu'il est bleu. Tout le monde sait qu'il est bleu. Il est akhir. Fahada c'est un ilm daruri. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. وضابط العلم الضروري أنه لا يحتاج إلى استدلال وبحث ونظر. C'est ça le ضابط. Tu reconnais العلم ضروري, t'as pas besoin de faire de recherche. T'as pas besoin de faire de recherche. العلم قال والثاني قال والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء. هذا le deuxième, c'est العلم النظري. أي t'as besoin de نظر, t'as besoin de regarder, t'as besoin de rechercher, t'as besoin de دليل. مثلا je te demande, je te dis مثلا est-ce que السواك c'est une sunna. بعض الناس ils ont fait هذا. بعض الناس سافر. يا دي دليل كمود خص السواك سن سنة. ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فسامود كسن سنة. لأن يا بيت أمر. يا بيت أمر. تعيش سابك الدليل. تعيش سابك الدليل. الدليل مثلا celui qui donne la salat est-ce que c'est un kafir ou pas. Ça t'as besoin de dalil. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الآن تا دليل تا دليل إلى آخره. المهم أن هذا أن هذا العلم النظري t'as besoin de recherche, t'as besoin de preuves, t'as besoin de demander. Et c'est celui-là qui vient avec talab al-ilm. Amma l'autre, t'as pas besoin de talab al-ilm. Daroud, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Wa hadhi mas'ala usuliyya. Mas'ala usuliyya. Al-an, ulakhas ma'adha yurid sur l'islam min i'lam. Qui c'est qui récapitule? Al-an, avec tout ce qu'on a vu, i'lam, ça veut dire quoi? I'lam. Bil lugha al-arabiyya. Indak. أحسنت أولا ينبهك أي شيخ الإسلام لا تقتل attention يدي إعلم أي لا تقتل attention que ce qu'il va dire الآن ce qu'on va lire الآن c'est très important إعلم إعلم أي sache أي الكلام va être مهم et ça veut dire quoi إعلم باللغة العربية العلم ما هو العلم لا لا لا تعريف qu'on a vu يا أخي عندك أحسنت يا أخي وفين لير الكلام إدراك الشيء على ما هو عليه أي شيخ الإسلام يدي إعلم أي tu dois savoir tu dois connaître les choses qu'il a dit comme elles sont لأنه on va voir que بعض الناس معرفة الإسلام pour lui l'Islam c'est une chose c'est pas comme une chose que le Coran et le Sunna nous ont montré معرفة الله عند بعض الناس c'est du shirk. بعض الناس يفهم في الشرك ويظن كثير التوحيد سموت كلا بعض علم سجاهل مركب جاهل مركب مثلا يفا vers une tombe il adore la tombe pour lui c'est du tawhid il dit je me rapproche envers Allah et avec cette personne pour lui c'est du bien عند الناس من أعظم الظلم إن الشرك لا ظلم عظيم أما شيخ الإسلام يدي إعلم أي dans ces مسائل tu dois être à la علم les مسائل qui va dire t'as pas le droit d'avoir du choc 50% ouais on m'a dit là là c'est masail qu'on va voir tu dois être à 100% c'est du ilm c'est du ilm c'est tawhid c'est tawhid a'zam al-ulum qala i'lam rahimakallah lamma dhakara wa nabbaha شيخ الإسلام رحمه الله بقوله اعلم ذكر الدعاء الدعاء رحمك الله. الآن شيخ الإسلام يتفين دعاء يتفين دعاء. أولا تستفيد من هذا أن حلقة العلم فيها خير وطلب العلم فيه خير، لأن نحن الآن نطلب العلم نحن الآن يعني مثلا نطلب العلم نقرأ هذا الكتاب فلا دعاء نتش الآن وبيبلغ رحمك الله. فشيخ الإسلام نزفين دعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجب له نستجب له، فهو من أولياء الله من أولياء الله نحسبه كذلك والله حسيبه، فلعل الله عز وجل يستجيب له. الآن رحمك الله لا دعاء كده في الله يجزوس، فبإذن الله تسجل كده الزليم الله يغفر الرحمة أو يغفر الرحمة. تستفيد أولا هذا أن طلب العلم يجو خير، طلب العلم يجو خير يجو خير كثير، أن الله يرحمك، أن سنطريق إلى الجنة، أن في المسجد قد حسنات هذه حسنات إلى آخره. تبخطون دين فرحمك الله ستموت أن شيخ الإسلام يدفع خير. تستفيد فائدة ثانية أن رحمك الله ستموت أن الداعي إلى الله يدفع رحمة وغلزوت إذا تأملت قوله اعلم رحمك الله تستفيد فائدة عظيمة في الدعوة تستفيد من فائدة عظيمة في الدعوة، أن الداعي إلى الله celui qui appelle à la religion celui qui appelle au din il doit avoir deux choses العلم لأن il dit اعلم أي va t'apprendre quelque chose doit avoir du علم et il doit avoir la rahma pour les autres il doit avoir la rahma اعلم رحمك الله. فالداعي إلى الله il doit avoir du علم et il doit avoir la rahma pour les autres. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكن من أرحم الناس بالخلق من أرحم الناس بالخلق. فأنت في الدعوة ton but c'est de sauver هؤلاء حتى الكافر حتى الكافر حتى الكافر ton but. نحن الآن مثلا في الدعاء كفار أي on les appelle à l'islam. Eux c'est des juhal. لا لا يعقلون صم بكم عمي كما قال عز وجل. Ils comprennent rien هم. Si ça veut, on est من أرحم الناس بهم c'est العلماء وطلبة العلم pour le kuffar. لأن أنت تسير de faire دعوة pour le faire sortir من الضلال pour l'emmener إلى الجنة. ولكن هو يكبخوا بقى. لكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون. من أرحم الناس بأهل البدع علماء الجرح والتعديل. من أرحم الناس بهم، لأن العالم مثلا ما وقع كنت فلان سرحمة به، لكن كذلك أكثر الناس لا يعلمون لا يعلم. عالم مثلا ما وقع كنت فلان سبقوا إلا سين رحمة بغلي كم سي يوم قيامة إلى بابيشي أو يوم قيامة إلى موان سويفر لأن سي لا سنوت كل من فاتفير يحمل أوزارهم يوم القيامة. فالعالم هو يفسع يعني سرحمة به سرحمة به. فمن أرحم الناس بالخلق العلماء العلماء. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة خاصة العلماء سمن أعرف الناس بالحق سد علماء كل إسلام غيتي إسلي جو كون بلوش دو رحمة بغ لزوتر حتى الكافر حتى الكافر. أما نحن مثلا سكوا كي ديغانج الكافر يبقى في النار وبا تو إن شاء الله سجبا في الجنة الكافر يبقى تقو كمان فهو كما اللي بعرف النار. لكن توا تنموت رحمة به تفير فيك سورتر دو هذا إكلاي avec toi في الجنة. أما الكافر يفت خوض يفت أمني avec lui في النار في النار. فلا يستوي هذا وهذا أبدا أبدا. فهذه فائدة اعلم رحمك الله أن الدعوة المبنية على علم على مبنية على الرحمة. Ça veut pas dire, il faut pas comprendre ça. يعني de ces paroles qu'on a dit رحمك الله أن تتنازل عن الدين tu laisses passer des choses oh ça c'est pas grave. لا لا حق حق الحق حق أن يتبع أن يتبع. لكن الأصل سرفت بكتبل السنة أو الإسلام الأصل سرف واللين c'est la douceur إلى آخره. C'est ça l'asr. لكن أحيانا si c'est un معاند أي une personne a fait exprès il se moque إلى آخره فلا بس لا بس شيء من الشدة comme ça il comprend. لا بس ça veut pas dire que دائما تا الرحمة لا لا. قال عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اغلظ عليهم أي سوى دور envers eux. C'est le djihad aux كفار et aux munafiqin, aux hypocrites, et sois dur. Ghulud alayhim. Ça montre que dans certains cas, c'est ce qu'on appelle al-hikmah. Al-hikmah, ahyanan, c'est le rahma wal-lin, la douceur. Et ahyanan, c'est la dureté. Al-hikmah, ça ne veut pas dire toujours t'as le sourire, abadan. Al-hikmah, ça ne veut pas dire que tu laisses passer des choses, abadan. Ça, c'est min mabadi nasara. Tu prends une claque dans la joue droite, tu te dans la joue gauche. Abadan. Al-haq, al-muslim, il est aziz. Al-hikmah, c'est ça. Tu mets les choses à sa place. Ahyanan, il faut de la douceur. Et c'est ça l'as. Et c'est ça le plus. Avec tes parents, avec les awam, avec les enfants, avec. Arrif, les yannas de Johan, les pauvres, ils n'ont pas. Ahyanan, il faut de la shidda. Ahl al-bida, il fait du mal, il fait de da'wa. Il faut de la shidda, il faut des hommes, enfin. Si on le laisse, khalas, il va faire la vauda. Ou le kuffar, il se moque, matalan, il a akhiré. Fa kullu shay, fi makan. كما قيل لكل مقام مقام لكل مقام مقام أما بعض الناس سد الجهال في هذا يفوا مثلا دعي إلى الله يرد على مبتدع بالشيء من الشدة يدي آي صوت خجور أو لا هذا كلام فارغ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الخطب يدفني غوج في بعض الخطب إلى فلافوا إلى آخره فعلى كل حال ce qui est demandé c'est الحكمة متشاق شوز أصبلا قد يقول قائل comment je fais ça y a été بالعلم لهذا شغل الإسلام يتعدي إعلم لأن ces choses elles viennent qu'avec le علم فلهذا celui qui fait دعوة et il n'a pas de علم il va emmener que de la que du mal il va se faire du mal à lui et il va faire du mal aux autres imma il va faire fuir les gens imma il va les emmener lakin ala jahl il va leur dire n'importe quoi et ils vont venir et ils vont accepter ce qu'il dit c'est faux. Prends l'exemple de Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, on sait que c'est des Juhal. Ils appellent à la religion, lui-même il ne sait pas. Et il appelle les gens, il n'appelle pas à Tawhid, il appelle à des choses que lui il voit. Ça c'est khata. Ça c'est là, il y a du. Fanahlu, on a conclu l'an que la da'wa elle est mabniya ala ilm. Si tu as du ilm, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut avoir de la douceur, quand est-ce qu'il faut être dur. C'est l'ilm qui va te régler. C'est l'udr l'ulama. Des fois tu le vois avec une personne, il est doux. لأن سعام يبخل الإكزامبل من النبي عيسى والسلام دخل رجل في المسجد فبال في المسجد طائفة من المسجد في زاوية من المسجد dans un coin du masjid il est parti la uriner c'est un مسكين جاهل il sait pas عربي بدوي c'est un bédouin il connaît pas هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام avec lui il a employé la douceur لماذا لأن سعام جاهل avec lui il faut la douceur si tu lui prends dur il va sauver il va te laisser ça tu le prends avec la douceur النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré Il lui a dit « Anna al-masajid laissat al-mabuniyat lihada » Tout le il a demandé à un sahabi, va chercher de l'eau. Ils ont mis de l'eau sur le rythme et il t'a l'amr. C'est fini. Et il lui a montré. Al-Badawi, tellement qu'il a été touché, il a fait du'a. Il avait « Allah Omar Hamni wa Muhammad » C'est un Badawi, miskin, il a dit pour Muhammad et lui, faqat. Il ne savait pas. Prends un deuxième exemple. Al-Nabi alayhi sallallahu sallam, dès que Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, صلى بالناس العشاء الى طول الى لونجي الى يعني الى بريي avec sourate al-baqara في العشاء sourate al-baqara كما تعلمون يعني il faut au moins 1h30 هكذا pour la lire 2h 1h30 pour la lire al-baqara il aura lu رضي الله عنه صلاه sourate al-baqara ça ça montre حرص الصحابه على الخير معاذ بن جبل لابن بنيه هو ابن بنيه et il était jeune et il avait de la quwa un homme il s'est plaint بل un homme il est sorti de salat من الصحابة il est sorti من الصلاة il est sorti de salat c'était trop long ثم حصل الشيء بينه وبين معاذ il s'est passé quelque chose entre lui et معاذ معاذ il en a voulu pourquoi il est sorti فهذا الصحابي il est parti se plaindre au prophète عليه الصلاة والسلام il a dit يا رسول الله حصل كذا le prophète il est parti voir معاذ il lui a dit أفتان أنت يا معاذ يعني est-ce que tu fais le fitna يا معاذ il a été dur envers lui لماذا لأن معاذ سعالم سعالم et il fait partie des élèves du prophète عليه الصلاة والسلام enfin le prophète عليه الصلاة والسلام il a été يعني il lui a parlé comme ça حتى يغمير لأن المقام c'est un مقام لهذا القوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحرص الناس على الخير فإلى employé cette méthode ça te montre أيها الداعي أن أحيانا c'est كذا أحيانا كذا et tout ça ça vient avec العلم لا تغتر بالجهال فلان ils sont durs أو لا تغتر بالزوت أن فلان ils sont لا الميزان c'est الحق الميزان c'est الحق قال رحمك الله قال شيخ العثيمين رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك سس الرحمة طلب الرحمة هذا أي تحصل بها على مطلوبك أي Allah Azza wa Jalla, il te rahme, il va te donner ce que tu veux. Maintenant, Al-Janna, Allah, fi l'hadith, il l'a appelé Rahma. Anti-Rahmati. Ar-Rahma, c'est qu'Allah il donne ce que tu veux, mit l'al-Janna, et t'écarte de ce que t'aimes pas, mit l'al-Nar. Enfin, si Allah il te fait la miséricorde, il va te donner ce que t'aimes et il va t'enlever de ce que t'aimes pas, ou de ce qui te fait du mal. Alors il va te donner ce que t'as besoin et il va t'écarter de ce qui te fait du mal. C'est ça Ar-Rahma. Rahimakallah, fal'an, Cheikh l'Islam, il nous a fait une dua azima. قال فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة الآن suivez, on va revenir à la règle. Ar-Rahma, c'est elle est toute seule. Al-An, si Ar-Rahma elle est toute seule, ça veut dire que Allah il pardonne tous tes péchés qui sont passés. هذا قوله فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك أي الله يتقدن سكي سباسي أبو يتوفق dans ce qui va venir dans l'avenir في المستقبل في المستقبل أي الله يتفسد c'est ça الرحمة je te dis maintenant je dis إسماعيل رحمك الله أي كالله يتقدن تبشي دافو et يتفسد le chemin tu vas prendre il te facilite, il t'ouvre les portes, il a c'est ça Rahma. Dès qu'elle est toute seule, aïe, toute seule dans un texte. Quand il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit Al-Rahma, ça va être pour les péchés qui sont passés. Et le Marvira, ça va être qu'Allah est wafa dans l'avenir. Et s'il y a un des deux tout seul, il englobe l'autre. C'est comme Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est comme Al-Islam ou Al-Iman. C'est comme Al-Faqir ou Al-Miskin. C'est des mots en arabe. Si il a qurinat ou qurinat ma'al akhar, تفترق المعنى وإذا افترق بنص تجتمع المعنى على كل حال اعلم رحمك الله الشيخ الإسلام il t'a fait une invocation qu'Allah il pardonne tes péchés et qu'il te facilite يعني ton avenir qu'il te facilite ton avenir c'est une dua عظيمة قال وصنع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بمخاطب بالمخاطب بالفتح قال وقصد الخير له وهكذا الداعي إلى الله صح حال العلماء العلماء الربانيين تدخل من أرحم الناس بالخلق فهكذا نحن إن شاء الله القصد هداية الناس le but c'est de guider les gens si t'es à la ilm le but c'est de guider أنت va pas croire que les gens vont t'écouter du jour au lendemain أبدا لا بد تصبر لا بد يعني du temps بعض الناس مثلا tu trouves il a été élevé 50 ans sur une bid'a 50 ans sur une bid'a tu trouves مثلا العوام عندنا tu trouves depuis qu'il est petit تربية صوفية ils ont appris le qubur ils ont appris kada 50 ans أنت t'arrives du jour au lendemain tu lui dis kada là pardon c'est facile il va te dire là لأن الوقت il a un أثر فأنت tout doucement tu lui montres que tu lui veux le khayr برحمة avec un كلام هادي بلين برفق إن شاء الله يحصل خير فلا ينبغي الداعي إلى الله يستعجل التمرة لا تضل لها هكذا النبي عليه الصلاة والسلام au début ils ont commencé ils étaient très peu des années après حجة الوداع ils étaient ما شاء الله فالرحمة قال ومثال ذلك تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف au début de la دعوة النبي était encore à Mecca et c'était pas beaucoup à Mecca un Nabi sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps il sortait de Mecca pour faire da'wa et hada c'est un rad à la jama'at al-tabligh il sortait pas 5 ans un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sortait wahda et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait du ilm et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il mettait pas je vais à Taif 3 jours 40 jours ma fi min hada tout ça c'est min bid'a haoula da'wa t'ahtaj la ilm et t'as pas besoin de limiter dans un makan ou dans un man là t'as besoin de 4 jours fais 4 jours t'as besoin d'un jour t'as besoin d'une heure ça dépend amma tu mets 3 jours et hadas kulhu min al bid'a et kadali celui qui sort c'est celui qui a du ilm un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mu'ayyid bil wahy amma l'an tu vois des johal il sait même pas parler bardon il sait même pas faire l'auto tu le vois il veut faire da'wa li umma فذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هؤلاء استاد المشركين et les a appelés إلى الله عز وجل. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé tous les enfants de la قرية, du village, et ils ont ordonné les enfants d'aller jeter des cailloux au Nabi عليه الصلاة والسلام. Hatta عليه الصلاة والسلام il a saigné. Il a saigné. يعني ils ont fait couler son sang et après ils ضربوه. Allah عز وجل il a envoyé un malak comme dans la قصه. Il a envoyé un malak au Nabi عليه الصلاة والسلام. Al-Malak il a dit للنبي صلى الله عليه وسلم أمرني أي ordonne-moi de d'écraser les deux montagnes. Il y avait des montagnes, c'était un قرية entre des montagnes. D'écraser la montagne sur eux, ça va être fait. Al-Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a dit là لعل الله عز وجل يخرج من هؤلاء قوم أو قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. انظر الرحمة. Il sait que c'est des juhal. Il sait qu'il va avoir aucun bien de يعني, les exterminer. Ça montre shafaqat al-Nabi alayhi salam. Et ça te montre anna da'i ila Allah la yantaqi nafsih. Anta da'i ila Allah, tu fais ça pour Allah. C'est pas tu vas, tu fais da'wa, une personne te dit une kalima, khalas, c'est la guerre. Là, tu dois pas défendre ton nafs. Il parle, je peux t'assumir. Anta le but, si tu le guides, ouais, c'est un jahili, c'est pas. Ouais, il sait pas. Et tout ça, il y a des dawabis, ça dépend de la personne. Ah, mais si c'est un mu'anid, c'est un mubtadi', c'est un kafir, il fait exprès, c'est akhar. Mais nous, on parle al-juhal. Al-juhal. Mais c'est un kafir, c'est un jahil, et tu peux lui montrer, ou à tarjoumé, tu lui montres. La'allallah yamfa. La'allallah yamfa. Qal. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله. قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل, قوله يجب أي على جميع الأمة, على جميع الناس. الوجوب ينقسم إلى قسمين كما تعلمون. Le fait qu'Allah ait rendu une chose obligatoire, ça se divise en deux. Ça peut être obligatoire pour tout le monde. Ça s'appelle wujub. Qu'est-ce que ça s'appelle? Indaman? Hein? Ahsant. Wujub al-ayn ou ayn. Aïe pour tout le monde. Fard ayni. Wujub ayni. Aïe tout le monde, personne n'a d'excuse. Maintenant, le fait d'apprendre la salat, c'est wujub ayni. Personne n'a d'excuse. Le fait d'apprendre tawhid, c'est tout le monde. Petit, grand, femme, homme, vieux, jeune, tout le monde. خاصةً هذه المسائل. المسائل التي سيذكرها الآن شيخ الإسلام. فجميع الأمة doivent les apprendre. C'est pas que pour talabat al-ilm, là. C'est pour l'awam, c'est pour les petits, c'est pour les grands, il a akhri. Fa i'lam, ou annahu yajibu alayna ay wujub ayni. Le deuxième qism, c'est al-fard, ou al-wujub al-kifa'i. Ay idha qama bihi al-ba'd, saqata an al-akhri. Mithal, matalan, al-tawassu' fi al-ilm. مثلا التوسع في علم الفرائض وما يضيف في الأربعين النووية شيء من علم الميراث ça c'est pas pour tout le monde. مثلا l'héritage, مثلا les quatre divorces, مثلا التوسع في الفقه, في مسائل الفقه, التوسع في مسائل العقيدة, معرفة الفرق الضالة إلى آخره. ça c'est للعلماء وطلبة العلم. حتى si العوام ils ont besoin ils demandent, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا وفت مراجعة طولنا قليل في هذا. فت مراجعة المراتب اعلم رحمك الله. Et Radan, Inch'Allah, Nabda. Et à partir de l'an, ça va aller assez vite. Les annal usul al-salat qu'il a mis sur le masail al-arba, elles vont venir après. Elles vont venir après. Radan, Inch'Allah, on avancera akthar. Wa al-qaz, c'est le fa'ida. Wa al-fahm. Waffaq Allah al-jami'a, subhanak Allah wa bihamdik. La ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Celui qui a échoué, tfaddal. Celui qui n'a pas compris une chose qu'on a vue, tfaddal. Tfaddal. Le fait qu'on la rende obligatoire, c'était deux choses. Ça se divise en deux. Aïe, obligatoire pour tout le monde. Ça s'appelle wujub ayni. Ayni. Ça, c'est pour tout le monde. Le deuxième, al-fard al-kifa'i. Ça, si certaines personnes le font, c'est pas obligatoire pour les autres. Mais que salat al-janaza. Salat al-janaza, fard kifa'i. Maintenant, dans nahnul an, il y a mort. C'est pas obligé de tout le marquer, il va salir. C'est afdal. Mais si une partie de frère elle va, nous c'est pas obligatoire. Si on veut on y va, c'est mieux. Si on veut, on reste. Ça s'appelle amma matalan salat al-duhur. Salat al-duhur qui va arriver, c'est fard ayni. Tout le monde doit y aller. Tout le monde doit y aller. S'il a les shurut, c'est un aqil, il est akhir. Khalas, naqif huna. Hayyakum Allah.